Exercice 1, page 147. A. Zo, so. B. Lise, lise. C. Douze, douce. D. Coussin, cousin. E. Sans, sans. F. Nous avons, nous savons.